Vous voyez donc un sac de sucre, élément qui peut être très important aussi pour la fermentation. Donc on peut le rajouter au ferment pour permettre d'accélérer la fermentation, pour l'aider en fait à se faire. Et du coup, vous n'avez pas à craindre en fait de devoir manger ce sucre lorsque vous goûterez les ferments, parce que c'est les bactéries qui vont en fait le consommer.